ونستشهد الله صلى الله عليه وسلم هذه زور القبور فإنها تذكركم بالآخرة. Qui signifie visiter le temps car elle vous rappelle l'au-delà. Donc, le profit de visiter la tombe des musulmans est de se rappeler qu'on va à cette destination, c'est-à-dire notre tour viendra et la mort ne prévient pas. Et ça aide à éviter l'insouciance et se rappeler la mort, et ceux qui se rappellent le plus la mort se préparent le plus. Le prophète, il a dit, dans sa hadith, ce qui signifie. Les gens les plus intelligents, c'est ceux qui se rappellent le plus la mort et ceux qui se rappellent le plus et se préparent le plus. Et donc, visiter les temples des musulmans, ça aide à cela. Et même Aïcha, elle a demandé, qu'est-ce qu'elle dit quand elle visite? Le prophète, il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle dit, assalamu alaykum bi ahl al-diyar wa al-muslimin wa al-mu'minin wa rahimallahu al-mustaqdimin minkum al-mustakhirin wa inna insha Allah bikum lalaqikum. C'est-à-dire de passer le salam aux morts et de faire un dua que Allah fasse miséricorde à ceux aux musulmans et que de dire, et par la volonté d'Allah, incha'Allah, nous aussi, on viendra, c'est-à-dire ici dans les tombes, c'est-à-dire on va mourir comme vous. Et ce hadith montre que c'est bien visiter les tombes, c'est bien et c'est autorisé, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Parce qu'Aïcha, c'est une femme, elle a demandé au prophète qu'est-ce qu'elle dit, il ne lui a pas dit. Non, toi, t'es une femme, tu ne vas pas. Mais il lui enseigne, qu'est-ce qu'elle dit? Ça montre bien que c'est bien et c'est autorisé. Et donc, dans le hadith, en fait, le prophète, il a dit aussi dans un autre hadith, avant, je vous ai interdit de visiter le temple, et maintenant, visitez-la. Parce que comme on sait, pendant les 23 ans de révélation, il y a des lois qui ont été révélées, ensuite ont été abrogées selon une sagesse. Et au début, le prophète, il a interdit de visiter. Parce que c'était des gens qui venaient se convertir à l'islam, et qui vont comme ça, qui ne vont pas mélanger, ils vont faire les invocations en faveur des gens qui sont morts mécréants à leurs parents. Alors que ce n'est pas permis de demander la zakat pour celui qui meurt non musulman. Donc, après, ils ont bien maîtrisé la croyance et tout ça, et là, le prophète les a autorisés à visiter les tombes des musulmans pour faire les invocations aux musulmans et se rappeler l'au-delà et qu'ils vont aller à cela aussi. والرسول إذن علمها أن تسلم في الحديث إذن هذا ينفع الدعاء للميت المسلم وكذلك قراءة القرآن اقرأوا ياسين على موتاكم وأجمع علماء الإسلام للمذاهب الأربعة اقرأوا ياسين على موتاكم معناها يعني تقرأ بعد موته فيه خير ونفع بإذن الله تعالى اقرأوا ياسين على موتاكم هذا إذن دعاء الأحياء ينفع الأموال كما قال الإمام الطحاوي وفي دعاء الأحياء والصدقات ينفع للأموال هذا في عقيدة الطحاوية هي منذ أكثر من ألف سنة. Donc le prophète en disant Aïcha de ce dua là dans lequel il dit de passer le salam aux morts des musulmans, ça veut dire que c'est utile l'invocation donc aux morts musulmans comme il a dit Tahawi qui a plus de 1000 ans donc en arrière il a dit le dua et le sadaqa des vivants est utile pour les morts des musulmans. Dans un autre hadith, il a dit, le prophète, récitez Yassine pour vos morts, et tous les savants des quatre écoles sont unanimes à dire que ça montre que c'est bien de réciter, après qu'il est mort, après qu'il est dans la tombe, de réciter Yassine ou autre comme cela. Ou qu'il est dans la tombe, de réciter Yassine ou autre comme cela. Ou qu'il est dans la tombe, de réciter Yassine ou autre comme cela. Ou qu'il est dans la tombe, de réciter Yassine ou autre comme cela. Ou qu'il est dans la tombe, de réciter Yassine ou autre comme cela. Ou qu'il est dans la tombe, de réciter Yassine ou autre comme cela. Ou qu'il est dans la tombe, de réciter Yassine ou autre comme cela. Ou qu'il est أشهر الكتب المعروفة بين الأمة الإسلامية. Donc un des livres les plus connus dans la communauté musulmane, Riyad al-Salihin, le Nawawi rapporte de Shafi'i que il a dit Shafi'i a dit si on récite une partie du Coran c'est bien, si on récite tout le Coran c'est encore mieux pour les morts des musulmans. Et là, رأينا أنه من الأشياء أعمال الخير أن تزور قبور المسلمين وتدعو لهم وهذا يذكرك الآخرة وتكون تنفعهم كما دلت عليه الأحاديث التي ذكرناها وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. Donc on a vu ainsi que l'unanimité des savants sunnites que c'est bien de visiter les tombes, ça rappelle le dollar et puis on fait les invocations en faveur des morts où on récite le Coran. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فلا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. اتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين فالنجاة علم وعمل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Frères de foi, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de faire de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Habib, accomplissez les devoirs, évitez les interdits. فإذا الإنسان كما قلنا عليه أن يستعد للآخرة. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que chaque âme goûtera à la mort, que le gagnant c'est celui qui a évité l'enfer, qui est rentré au paradis. Et certes, cette vie éphémère est passagère, donc l'intelligent il se prépare. Et là, comme le Nabi alayhi salatu wassalam, أكيس الناس أكثر من ذكر الموت وأكثر من ذكر لها أكثر من استعدادا. الذكي الفطن كيف الفطن هو الذي يتذكر الموت حتى يستعد أكثر، لأنه هذه حال الدنيا أنها تمر دار ممر وليست دار مستقر، فالذكي يعمل في هذه الدنيا حتى يكون رابحا يوم القيامة. Donc le prophète il a bien dit que les gens les plus intelligents ceux qui se rappellent la mort et ceux qui se rappellent le plus la mort, ils vont se préparer le plus parce que cette vie éphémère et passagère, l'intelligent sème dans cette vie pour récolter dans l'au-delà. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وقوموا إلى صلاتكم وقوموا الصلاة. الله أكبر الله